ce soir je mourrai. Le jour c'est la vie, plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve, qu'il faille s'en aller, s'en aller. Comme le jour avançait, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Nous sommes ici pour moi, rien d'autre à laisser croire, croire que l'on meurt ce soir. Sur cette étrange île.